Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, en direct du bar de chez Patrick. Wouh! Hey, hey, hey! Vodka un poney, on boit la monnaie. Sur Instagram, j'follow tout ce qui est silicone. Rancard isolé, ouais, discret tu connais. J'vis dans le haram, le Big Mac québécois. Vas-y, follow me. Je t'accoste à la Hanani. Je vois la montée haut, direct chez demi. Jugement, l'avocat, c'est incommis. Ça sent tranquille, ça se balade. Mets-toi bien, c'est la rafale. Tranquille, déguste, moi je m'arrache. Que tu flèches, t'es en cavale. Ami, ennemi, qui veut me voir couler? Ami, ennemi, qui veut me voir couler? Elles sont bonnes, elles sont bonnes. Elles sont bonnes, elles sont bonnes. Pas la groupie, j'ai Wallows, Boobie. Je te plains ce soir laquelle je vais choisir. Aloha. Hey, pochon de chiche, ou suisse bonbon. Non, ne fume pas la cigarette, ça sent pas bon. Non, elle tarte sur la table. Là, je me fâche, cha, cha, cha. Ni ta mère, t'as fait tomber ma chiche, cha, cha. Faire un bon lien à son garçon, ah, ça c'est good. Avoir un plan gadget à part. Ah ça c'est good, échapper la patrouille, ça aussi c'est good. Tolti gaga, gaga, train de vie de haram, gaga. Le frigo vide, ça tec les Balenciaga, gaga. Non faut pas déconner, non faut pas déconner. Elles sont bonnes, elles sont bonnes, elles sont bonnes.